Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durus al-Madina, al-Juz al-Thani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil al-Martiniki, hafidhullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj, au Yémen, cours numéro 26. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان يوم الدين أما بعد. طيب، on corrige les questions du Ders 25. Inch'Allah. Donc il dit أين كان أنوار واقفة؟ كان أنوار واقفا خارج الفصل. ثانيا أي يريد عمار أن يترك المستشفى؟ لا لا يريد عمار أن يترك المستشفى. من الذي أبوه سفير؟ الذي أبوه سفير أبو إبراهيم. أبو إبراهيم؟ لا، ما هو أبو إبراهيم؟ من؟ إبراهيم. ولا نعم أبو نعم. إبراهيم. يا أبوه هو سفير. ما معنى السفير؟ سفير سفير أيوة الذي في السفارة سفارة سلك سوي الامباساد لا نعم كمان دي امباسادور نعم رابعا من الذي أبوه شرطي متقاعد من الذي أبوه شرطي؟ نعم الذي أبوه شرطي متقاعد هو يعقوب نعم ما معنى متقاعد؟ متقاعد يعني يغطي فيه أحسنت من ذهب إلى المكتبة؟ هو الذي ذهب إلى المكتبة عثمان الذي ذهب إلى المكتبة من ألف لسان العرب؟ هو لي ألف لسان العرب هو لابن منظور الذي ألف لسان العرب هو ابن منظور هو ابني نعم ما يحتاج إلى اللام في كم جزء هو؟ وكم من فوليم في كم جزء هو؟ لسان العرب كم مجلدا؟ 20 جزءا نعم جزءا كانت المكتبة مفتوحة؟ نعم نعم كانت المكتبة مفتوحة يعني إلى أذان الظهر فلا أنت خرطت بين الجوابين كانت المكتبة مغلقة. كان مغلقة هذا هو الجواب وكانت مفتوحة قبل أن يذهبوا وتأخر فهمت؟ Elle était à la base quand il a été elle était fermée elle était ouverte peu de temps avant de vendre comme ça. Tamam. On a trouvé le N fi dersi et sadis wa 20 26e leçon qui elle se rapporte au sarf qui va nous apprendre à conjuguer un certain genre de verbe qui est al-mithal wal-ladhi fa'uhu harf 'illa c'est-à-dire celui dont la première lettre est harf 'illa c'est-à-dire ou waw ou ya ou alif et dans ce qu'on prend aujourd'hui c'est juste le waw. طيب من تريد ذكره انت؟ كما تريد لا انا سالتك هذا سي موك تو بروبوز ان بروميير من تريد؟ انا ابدا طيب انا ابدا الان تبدا؟ اذا تاخذ كل شخص من المدرس طيب الذي يقرا المدرس يقرا المدرس فقط والاخر يقرا الاخرين تبدا؟ انتظر انظر لا كثير انظر لازم يكمل ان شاء الله تفضل بشير يا فضيلة الشيخ نريد أن نشتري هذا المعجم الذي معك ولكننا لا نجده في المكتبات نعم donc il dit au grand cheikh nous voulons acheter ce dictionnaire celui qui que tu as cependant nous ne le trouvons pas dans les librairies بارس يقول تجدونه في المكتبة الكبيرة التي أمام المسجد تجدون فيها معاجم عربية وأجنبية ومصاحف من بلاد مختلفة وصحفا أو صحفا من أنحاء العالم. Donc il dit, vous le trouverez, vous le trouvez dans la grande bibliothèque, celle qui, la grande librairie plutôt, celle qui est devant le mosjid, et vous, vous y trouverez également des dictionnaires arabes et étrangers, ajnabi c'est étranger, et des masahif, c'est-à-dire des livres qui contiennent le Coran, de différents pays, et des magazines de différents endroits du monde. Anha, on a dit quoi? C'était jamnahu, qui veut dire direction. Donc on va dire, on traduirait par endroit. Endroit du monde. Il y a Troulou Ahmadou. Ahmad y rentre. Ya Fadila Tachir, ana la ajidou mahfazati. Il dit au grand cher, je ne trouve pas mon portefeuille. Donc la mahfaza, ça peut être une trousse, ça peut être un portefeuille, c'est une chose qui contient une chose petite. Donc il me dit, c'est cool. Afiha nukudun kassira. Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent? Est-ce qu'elle contient beaucoup d'argent? Nukud, c'est l'argent, la monnaie. Naam, fiha 300 riyal. Naam, donc il dit, naam, il y a dedans 300 riyals. Ça redit, ça fait une bonne somme. Dans les siakoul. Aina wadartaha, où l'as-tu posé? Wadartaha ala al-maktabi huna wa kharajtu li-ashrib al-ma. Li-ashrib al-ma. Naam. Donc il dit, je l'ai posé là, sur le bureau, et je suis sorti pour boire de l'eau. Dans les siakoul. Lima wadartaha ala al-maktab. Hada khata'un kabir. Yajibu an tada'aha fi jaybik. Donc il dit, pourquoi l'as-tu posé là, ou pourquoi l'as-tu posé sur le bureau? Cela est une grande erreur. Il est obligatoire de la mettre, ou de la poser, on va dire, mais non, de la mettre dans ta poche. Est-ce que l'un d'entre vous a trouvé, ou plutôt, est-ce que quelqu'un a trouvé le portefeuille, ou son portefeuille, ou les frères? Non. Dit non, nous n'avons pas trouvé au Cheikh. On m'a dit, ha ya zi ya oustaz, innaha tart kursiyi. Donc il dit, la voici, ô professeur, elle est sous la chaise. Donc on regarde, ha ya zi, en fait, c'est on a coupé un ismishara en deux, pour on a mis un damir au milieu. Le ha, alors là-bas c'est ha dihi hiya. Vous voyez? Et le ha, on l'a mis d'un côté, au milieu on a mis damir hiya, et de l'autre côté on a mis zi, qui est de ha zi, qui est ismishara aussi. Non. Ça vient dans le dars, inshallah. Dans le siakoul, khuzha wa da'a. Donc il prend là et mets là, range là dans ta poche. Yakum Yahya ou Yassirou Nahwan Mudarris. Donc Yahya se lève et se dirige vers le professeur. Yassir, c'est avancer, aller vers. Dans le siakoul. Kif Yawaladou. Eina Turidu Entazhaba. Donc il dit arrête-toi, ou enfant. Kif, c'est de voir qu'enfant Yakifou s'arrêter ou se mettre debout. Là il veut dire arrête-toi. Où vas-tu? Où veux-tu aller plutôt? يا فضيلة الشيخ أرجو أن تسمح لي بالذهاب لأن أبي يأتي اليوم إلى المدينة المنا. Lis le comme il est, après on change. Donc il dit au grand cher, j'espère que tu me permettras de partir car mon père arrive aujourd'hui depuis El Medina Nabawiya. Il est Medina, il est Medina Rasulillah. Il arrive à Fouen, à El Medina, c'est pas il vient d'eux, il arrive à El Nabawiya. Je veux dire les. Il est le Medina. Il est Rasulillah. Ah ouais, tu peux bien. Donc il dit, en fait, il arrive à Al-Medina, c'est pas il vient d'Al-Medina. Et Zahab, c'est quoi Zahab, en fait, c'est un masdar. Du verbe Zahaba et Zahabu. Nous, auparavant, dans le kitab, on a dit que des masdar à la waz. Fou'oul, comme Massan Rakaba, Yarkibu, Rukoub, Raka Yarkaou, Rukour. Et là, c'est un nouveau genre de masdar à la waz. Fa'al, Yakamed. Et c'est le masdar de Zahaba et Zahabu, tu dis Zahab. Qui veut dire aller, un aller. Non. Mata yassilu huna, quand est-ce qu'il arrive ici? Tassilu ta'iratu min jaddata fi sa'ati l'wahida. Min jaddata fi sa'ati l'wahida. Non. Donc l'avion arrive à Jeddah à 1 heure. Mata wassala abuka ila Jeddah, quand est-ce que ton père est arrivé à Jeddah? Wassala al-bariha. Il est arrivé hier soir. إذا بسرعة بقي نصف ساعة أو أقل اسمع أرجو أن تأتي بأبيك إلى بيتي. Donc il dit vas-y en vitesse. Il reste une demi-heure ou moins que ça. Écoute, j'espère que tu viendras avec ton père dans ma maison, chez moi quoi. Et أقل c'est اسم تفضيل de قليل. Ça va venir au second vers. Yahya. Inch'Allah, sa'atika bihi ghadan ba'da salat al-asr. Non, donc il dit Inch'Allah, je viendrai avec lui demain après salat al-asr. Tayeb. Aqal. Aywa, min qalil. Ça, ça revient, c'est un sujet divers aussi. Non, mais. Tafdil. Qu'est-ce que tafdil, non? En fait, c'est la wadha fa'il, c'est juste qu'il y a un hydrom qui est fait. C'est le diminutif. Là. De quoi? Aqal? Non, tafdil. C'est pas tasri là. Tasri aussi, ça va venir. Ah ouais, d'accord. C'est encore un autre, une autre partie du dars. Tayeb. Alhamdoulilah, t'as pas d'asile dans ce texte. Donc, comme je te l'ai dit, regarde, il dit Hadi amsilatu nifir el mortel el fait. En fait, ce verbe-là, qui lui, il appelle mortel el fait, il s'appelle el misal. Tayeb el misal. C'est le verbe dont le fait, c'est-à-dire la première lettre, c'est soit un waouh, ou un alif ou un ya. C'est un half illa, comme on dit. Half illa. Et là, il donne des exemples. Wajada, qui veut dire trouver. Wasola, qui veut dire arriver. Wazana, qui veut dire peser. Waada, qui veut dire promettre. Wadora, qui veut dire poser. Wahaba, qui veut dire donner ou accorder. Wajaba, qui veut dire obliger. Wakofa, qui veut dire arrêter ou se lever, ou être debout. Donc ce verbe-là, il a une façon particulière de se conjuguer du fait qu'il commence par un waouh. Donc tout simplement, quand on dit wajada, ala waz fa'ala. Le waw, c'est le fa, le jim, c'est le ayn, et le del, c'est le lem. C'est tous pareil. Cependant, ces verbes-là, quand tu les conjugues, l'origine chez eux, il y a des règles. C'est qu'en fait, quand il est au mot d'orlire, le fa, il tombe. Il n'y a pas de fa. Par exemple, wajada, comment tu dis? Yajid. Tu dis pas yaoujid. Yajid. Directement le ya du mot d'orlire, après le jim, après le del. Donc, yajid à la aywaz. Il est sur quelle mesure? Yajid. Ah, y'a quoi? Là. Quoi? Il n'y a pas de fait. Donc, c'est quoi son wazn? Le fait est tombé. Donc, yajid à la wazn aish. Il est sur quelle mesure? Sur quelle. Ya'il. Il a la wazn? Ya'il. Il n'y a pas de waouh. Il n'y a pas de fait. Tu comprends? Quand tu dis yajid à la wazn, ya'il. Donc il dit ta'amel mithal thumma ktub mudali al-afal atiya. Donc il dit regarde l'exemple et ensuite écrit le présent des verbes suivants. Donc là il a cité même que je t'ai dit moi wajada. C'est le mudali, c'est le mardi. Donc le mudali c'est quoi? Yajid. Il dit asluhu yaujid. Huzifat minhu al-waw. Enfin tu dis yajid. Vous voyez, l'origine c'est yaujid avec le waw, mais le waw est enlevé. Donc tu dis quoi yajid? Yajid c'est bien sur la mesure ya'il. Vous voyez, ya'il. Toi donne, toi fais les autres verbes et donne leur moudo à l'air. Waqafa. Waqafa yaqifu, wazana yazinu, wasala yasilu, wajada yazinu, wa'ada ya'idu, walaja yaliju, wada'a yadi'u, wahaba yahibu. L'origine, tu vois, c'est que lorsque ce verbe-là, le mithel, lorsque son aïn, au bout d'un lire, il a une kasra, le waw il tombe. Et normalement, si jamais il a une fatha, le waw il reste. À part dans des exceptions comme, masalan, wadara. Tu dis wadara, yador, tu dis pas yadir. Yador. Et normalement, les verbes comme ça qui ont une fatha sur le aïn, lorsqu'ils sont mithel, le waw il reste. Mais ceux-là, ils se font exception à la règle. Wahaba. Il dit ta'amel el mithal thumma dor al amr min al fi'l al atiya. Donc maintenant il te dit quoi? On regarde l'exemple et maintenant on va faire quoi? Trouver le fi'l impératif de ces verbes là. Masalan waqafa taqifu. Masalan taqifu. Le amr c'est quoi? Qif. Tayeb qif à la wazn. Trouve-moi le wazn. Trouve-moi la mesure. Qif à la wazn. Tu peux trouver. Là, c'est quoi qui manque comme lettre? C'est quoi qui manque comme lettre? C'est le ta. Tayeb. Et après, il reste deux lettres. C'est quoi ces deux lettres-là? Par rapport à Fa'ala, c'est quoi ces lettres qui restent? Le kof, il représente quelle lettre dans Fa'ala? À la base, c'est waqafa. Le waou, c'est le fa. Le kof, c'est le ayn. Le fait, c'est le lem. Là, il nous reste pas comme lettre, là. Le kof et le fait, ils représentent quelle lettre dans Fa'ala? Le kof, c'est quoi comme lettre dans Fa'ala? Le Aïn. Aïe, ouais. Et le kof, le fait, Afouan? Lem. Donc, ça fait quoi? Elle a quelle? Elle a wazn? J'ai pas entendu, Afouan. Madeli. Si, je crois que tu l'as dit. Aïl. Aïe, ouais, Aïl. Fakat. Elle a wazn, Aïl. Sa mesure, c'est Aïl. Taïeb. Quand tu dis à quelqu'un, kif, taïeb, son patron, sa mesure, c'est quoi? Aïl. قال لا يحتاج لحمزة لأن أوله متحرك. Normalement, on met حمزة الوصل dans le homme parce que le fait du verbe il est avec une سكون. Mais là, comme il n'y a pas de fait, on tombe directement sur le عين, il y a une حركة, donc on n'a pas besoin de حمزة الوصل. Donc tu dis قف. طيب. وزن تزين. C'est quoi le homme? زين. زين, tout simplement. وعدا تعيد. عيد. عيد. تهبا. C'est de Wahaba. Comment tu dis? Hein? Hab. Hab. Aïe, voilà, c'est pas qu'une kasra, c'est qu'une patra. Wada'a tador. Attends, tout à l'heure, je m'étais trompé. En tout cas, là, t'as répondu, là. Non, mais tout à l'heure. Sûr. Par rapport au fait de. De trouver le mudari. T'avais dit quoi? Pour Wada'a et Wahaba. T'avais dit quoi? J'avais dit quoi? Je crois que j'avais dit Yadirou. Yadirou, ah, j'ai pas entendu. Yahibou. Ah, bah les deux prennent une fatra. Yadirou ou Yahibou. Non. Donc là, Tadirou, c'est quoi le homme? Tadirou, c'est Va. Va, non. À la waz? Al. Al, non, Marcel. Taïeb. Rabian, Yakoul, Ikram, Ayali. Donc là, il donne des exemples avec des phrases contenant ces verbes conjugués soit au mardi, soit au moudali, soit au homme. Tu te sens de force de lire et de traduire? Inch'Allah. Tfaddal. Mette tassilu ta'iratu min Paris. Tassilu fi sa'ati al-hadiyati. La. Non, fi sa'ati al-hadiyata asharata. Non. Wa nisf. Non. Quand est-ce que l'avion arrive de Paris? Il arrive. Il arrive à 11h30. Il nous est obligatoire d'apprendre le Coran, le Saint-Coran, et de le mettre en pratique. Non. Quand on dit Yajib Ala, c'est Yajibu. Yajibu Alika, c'est t'es obligatoire à toi. On met qu'un half jar après un demi-heure. Non. Qala li tabib. ضع هذا القرص قرص على نعم ضع هذا القرص على لساني ثم ابلعه نعم يعني le médecin m'a dit pose ce c'est un cachet à la base قرص c'est un disque un truc rond comme ça là il veut dire un cachet caché نعم sur ta langue puis avale نعم بلع يبلعه c'est avaler c'est نعم رابعا رابعا ستجدني في البيت بعد الصلاة بعد الصلاة العشاء إن شاء الله نعم يعني vous me tu يعني tu me trouveras me trouveras dans la maison après la prière de l'عشاء نعم إن شاء الله نعم قف هنا يا سائق أنا أريد أن أنزل نعم يعني arrête-toi ici au chauffeur نعم je voudrais descendre ici يعني je voudrais descendre نعم سادسا ديسان يعني زني كيلو غرام من سكرية بقال نعم يعني بيز موا لو ان غرام ان كيلو ان كيلوغرام كيلوغرام يعني بوز موا نعم يعني بيز موا ان كيلوغرام دو سكر او ايبيسي نعم اي دي يجوز زني tu vois sans la sans l'if sans le harf jar et le damir tu peux directement mettre nous nous ikaya avec le dhamma mutakallim. Tu peux dire c'est exceptionnellement pour ce verbe. Tu parles. Hein? Exceptionnellement pour ce verbe ou il y a beaucoup. D'autres verbes, tu peux le faire. C'est dire ce qui tu peux mettre harfoja ou des fois tu peux mettre directement le dhamma accroché au verbe. Ouais mais yana c'est. Tu peux pas, ça va changer tout le sens. Si je dis à la base moi je dis zinni tout seul comme ça, c'est-à-dire pèse-moi. C'est-à-dire pèse-moi moi Khalil, tu vois. En fait c'est pour, ça revient pour li. Non. Ça vient. نعم سابعا يا سلمى ضعي هذا الكتاب على مكتبي يعني هو سلمى pose ce livre sur le bureau sur mon bureau plutôt نعم لماذا تقف هنا يا أخي اجلس pourquoi tu t'arrêtes ici oh mon frère assieds-toi نعم لا تقف في الطريق يعني il ne t'arrête pas hein en route سورة أولى. نعم. قال الله عز وجل في سورة النبأ. سبأ. نعم سبأ. خوش دي كوما. نبأ. سبأ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم غفور. نعم. الله traduction relative du sens du verset ولا genre. Il sait ce qui sort de la terre, ce qui rentre dans la terre, ce qui en sort. Il sait ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est le miséricordieux, le pardonneur. وقال الله تعالى في سورة شورى لله الملك السماوات والأرض يخلق من يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يعني appartient à Allah. Les cieux et la terre. Il crée ce qu'il veut. Il crée ce qu'il veut. Il accorde à qui il donne. Il donne la bien à qui il veut. Hein? Non, c'est pas ça. Attends. Il donne à qui il veut des femmes. Parmi les femmes, hein? Parmi les femelles. Non, les femelles. Femelles. Il donne à qui il veut parmi les mâles. Non. Hein? Non, il y a personne. Ça fait un peu par rapport à. فالمثال وجد فعلني وجد وهب وضع وعد أسسويت هنا دوت aussi qui commence avec Aya comme Yaïssa qui rentre dedans et qui a un livre je ne connais pas par contre quand c'est pas un livre je n'en ai pas si on a je connais pas طيب maintenant on attaque le شيء آخر notre sujet خامسا تأمل الأمثلة الآتية لإسم المصغر donc ça s'appelle quoi التصغير c'est le fait de rendre une chose petite. El Tasrir, Ism Musarrar, c'est un nom qui à l'origine, c'est l'Asli Mukabbar, c'est-à-dire il est d'origine, il est grand. Et toi, tu l'as fait diminuer. Comment on appelle ça les noms diminutifs? Comme exemple, par exemple, Ouleid. Ouleidoun, Tayyib, Ouleidoun, à la base c'est Walad Sorir. Tayyib, Ism Tasrir, il vient d'un mot qui vient à trois lettres, et il vient. À qui, sur quelle mesure? Sur la mesure Fou'aïloun. Vous voyez? Sur la mesure Fou'aïloun. Donc, par exemple, Walad, tu vas dire Wuleidoun. Djoubaïloun, c'est de Djabel. C'est une petite montagne. Vous voyez? Djabel, son ism tasrir, c'est Djoubaïl. C'est une petite montagne. Nouhaïloun, ça vient de Nahar. Nahar, c'est un fleuve. C'est un petit fleuve. Tayyib, Nuhayroun, c'est un petit fleuve. Kuleiboun, ça vient de kalb, c'est-à-dire un petit chien. Tayyib. Donc, tu prends un nom en trois lettres, et tu le mets à la wazn, Fouail, Fakat. Saadisan, là, il va te faire appliquer ça, il dit, Sorrir, el asmal atia, donc diminue les noms suivants. Rajul, Rujaylin, Rujaylun. Qalem, Kuleimun, Kuleimun. Tiflun, Tiflin. Comme les autres, à la haute fourraine. Non, c'est parce que c'est le soukoun qui a. C'est le bayador. Une soukoun fatra ou une kafra, c'est pareil. Tuflin. Tufail. Tufail. Tufailoun. Najm. Najm. Non. Par exemple, Marlouf, Abd, comment tu veux dire? Abd. Aïe, Obeid. Obeid. Il y a quoi encore? Qui Marlouf? Par exemple, Abiyu. Houreira. Ça vient de Hir, à la base. Hir, c'est un chat. Enfin, Hureira, ça y est, c'est le diminutif de Hir. Et après, on a d'autres. Quand c'est des noms à 4 lettres, 5 lettres, 6 lettres, ils ont d'autres règles. Donc, voilà, t'as ce rire. Ça y est, maintenant, il t'apprend quoi? À trouver les Asmat of Deal de certains noms qui, eux, leurs deux dernières lettres sont les mêmes. Il dit Ta'amel, l'amsilatel atiya li ism tafdil. Qalil, par exemple. Qalil. على وزن فاعل. طيب قليل على وزن فاعل. Le problème c'est quoi? C'est que قليل là, on a كاف et on a deux لام. طيب on a كاف et après on a deux لام. Entre les deux لام on a يا. Donc ça va être quoi son اسم تفضيل؟ أقل. مثلا كبير. Le mot كبير. طيب كبير c'est quoi son اسم تفضيل؟ أكبر. Pourquoi? Parce qu'on a trois lettres différentes. كاف ب ر. Mais là, on a deux lettres pareilles à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on fait, ces deux lettres-là? On fait un hydrome. On l'insère l'une dans l'autre. Donc, tu dis quoi? Akol. Là-bas, c'est Aklel. Tu vois? Là-bas, c'est Aklel. Ça se dit pas, donc tu veux dire quoi? Akol. Et en fait, l'origine, ça vient de Afal. Comme Akbar, Asrar, ainsi de suite. Donc, ces mots-là, tu vois, qu'on les deux mêmes lettres à la fin, eh ben, eux, ils se mettent comme ça. À la wazn, t'as vu? C'est quoi le wazn Akol? Akol, c'est quoi son wazn? Afal. Afal. À la base, c'est Afal. C'est juste qu'on a rentré le Ayn et le Lem, on les a mis ensemble. Tayyib. La Ziz, qui veut dire délicieux, ça veut dire quoi? Ça veut être quoi son Sofdil? Alav. Tayyib, Alav. Shadid, qui veut dire dur, entre autres. Son Sofdil, c'est quoi? Achad. Tayyib, Achad. Habib, qui veut dire aimé, quelqu'un qui est aimé, Habib, Mahboub. Tayyib, son Sofdil, c'est quoi? Ahab. Tayyib, Ahab. Donc il dit, LN, Ikram Ayali. Tu veux lire ou tu utilises? Comme tu veux. Toi, Dalizan. Baqiya aqallu min sa'a. Naam. Il reste? Il reste moins d'une heure. Naam. Al-Burtuqal. لذيذ والتفاح ألذ منه. يعني l'orange est délicieuse, mais par contre, hein? Mais la pomme. Mais la pomme est plus délicieuse qu'elle. نعم. أبي حبيب إلي وأمي أحب إلي منه. يعني mon père. Hein? J'aime mon père. J'aime mon père. Et ma mère est plus aimée que lui. Non. Et pour moi, il est plus aimé que lui. Là, tu peux dire, j'aime plus ma mère. Oui, j'aime plus ma mère. Mais littéralement, c'est comme tu as dit toi, mais en français, ça se dirait pas. Rabi'an. Al-bardu al-yawma ashad. Non. Yani, aujourd'hui, le froid est plus. Plus intense. Plus intense. Ouais, plus dur. Nishadid. Khamisan. Ma habbu durus ilayk. Fa habbu durus ilayya al-Qur'an al-Karim. Non. Il y a ni des cours. Pourquoi un point d'interrogation? C'est une question. Ouais, c'est une question. Ma ahabu durusi ilayk. Quel est le cours que tu préfères? Le plus aimé, en fait. Quels sont les cours les plus aimés pour toi? Non. Ani, les cours les plus aimés pour moi, le Coran. Non. Le Coran, le Kalim. Ça a dit ça? Kana tullabu qalilan ams, wal yawma hum aqal. Yani, les étudiants. Hier était peu. Hein? Était pas beaucoup, Yann. C'était pas nombreux, ouais. Et aujourd'hui, ils sont encore moins nombreux. Non. Man ahabbu an-nas ilayk? Ahabbu an-nas ilayya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yanni, qui est la personne la plus aimée pour toi? Non. La personne la plus aimée pour moi, elle est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Parfait. Oui, bien. Ça va? Allez, où est mon frère? Une ville? Là, c'est bon, j'en ai encore. Oui. Non, Rassid? Ok, Colin, Inch'Allah. T'as Amel Mayali. Maintenant, il va te faire quoi? Ce qu'on a pris au début dans le texte? Le fait de rentrer un domir à l'intérieur d'un ismichara. Il dit Eina El Kitabu. Où est le livre? Quelqu'un va te répondre Ha, Hua, Va. Tu vois? Donc l'origine c'est quoi? C'est Ha, Va, Hua. On a séparé entre Ha, qui est Harf Tambih, qui à la base ne fait pas partie du Ismishara. On a mis Va d'un côté, et au milieu on a mis Damir. Donc tu dis Ha, Hua, Va. Et l'origine c'est quoi? Ha, Va, Hua. Vous voyez? L'origine c'est Ha, Va, Hua. Et pourquoi? C'est parmi les loups de langue arabe. C'est comme ça. Ouais, tu peux le faire. Par exemple, le Coran. ها ها انتم ها اولاي مثلا طيب القران باي زوم ها انتم طيب شو سي اولاي في مرحله من الفيرس ها انتم اولاي يعني فسي est-ce que c'est cela que vous ها انتم ها اولاي تحبونهم ويحبونكم ايوه je me rappelle bien dans le al ihram et même dans le baqara on a une pareille. طيب اين الساعه où est l'heure ou la montre plutôt ها هي ذي اي en fait c'est هذه هي اين ابراهيم ها انا ذا donc là c'est انا maintenant on a entré انا dedans donc à la base c'est هذا انا c'est moi mais par rapport au règle de Imlay le alif de انا il a été enlevé. طيب لو الف دو الى الى تي انلفي بون لاس تومبي لا سويت كل مود دو فير لا سي مود دو مي ميو جي با كو فوالا كو تا كومبري دو سون با سي با دور عاشرا تامل المثال ثم كون جملا مثله مستعملا فيها يجب على لوبليغاتوار دو Moustamien bikelemet le wadati benakosaim. Donc il dit, médite sur les exemples, et ensuite constitue des phrases en utilisant yajib ala, le fait qu'il soit obligatoire de, en te servant des mots exposés entre parenthèses. Mithal, yajibu alayna an nafham al Qur'an wa na'mal bi. Donc il nous est obligatoire, et yajib alayna, c'est nous obligatoire à nous, de comprendre le Qur'an et de l'appliquer. Tayyib, jumal oula. نعم يجب عليك تكتب الواجبات بانتظام نعم دونك هادي obligatoire de faire un tes devoirs et les devoirs بانتظام انتظام pour de façon ordonnée pour ordonnance non de façon ordonnée de façon ordonnée non ordonnée enfin, de façon propre ordonnée تفضل ثانيا يجب عليك نعم أن تحفظي سورتين هذا الأسبوع نعم يعني توبيغاتوار دافون دو سورات سيت سيمان أحسنت ثالثا يعني يجب عليكم أن تخرجوا من الفصل بهدوء يعني vous êtes obligatoire de sortir de la classe يعني avec le tout seul calme avec calme نعم dans le calme نعم رابعا يجب عليكم أن تدخلوا الفصل قبل دخول المدرس. يعني vous êtes obligatoire de rentrer dans la classe avant l'entrée du professeur. يجب عليك أن تدرس اللغة العربية لأنها لغة القرآن. يعني vous êtes obligatoire d'apprendre d'étudier la langue arabe. طيب أحسنت طيب الحادي عشر الذهاب مصدر ذهب يذهب طيب الذهاب c'est le مصدر du verbe ذهب يذهب comme on a dit les verbes ils ont un مصدر طيب c'est un nom qui vient de ce verbe ou le verbe vient de ce nom il y a un خلاف qui lui définit l'action sans être lié par le temps et on a déjà pris des quoi nous des مصادر au début du livre ceux qui sont sur à la wazn fu'ul. Là, t'en as plein des masadir, t'en as plein. On avait pris sa'ada yas'udu su'ud, nazala yanzilu nuzul. Voyez, ben là on prend un nouveau masdar qui est à la wazn fa'al qui est le masdar de zahaba. Zahaba ça veut dire quoi? Aller. Donc zahab c'est l'aller. Awalan, il donne un exemple, il dit uridu al-zahab ila al-bayt. Donc en fait, c'est je veux l'aller à la maison, ça se dit pas. Donc on va dire quoi? Je voudrais aller à la maison. On traduira comme ça. ثانيا يا استاذ ارجو ان تسمح لي بالذهاب الى المستشفى donc il dit au professeur j'espère que tu me permettras d'aller ou de me rendre طيب à l'hôpital la shahid c'est بالذهاب mais nous on peut pas tous les traduire à chaque fois ثالثا خرجت من الفصل للذهاب الى المدير donc je suis sorti de la classe pour me rendre chez le directeur à la base c'est pour l'aller au directeur mais ça se dit pas pareil رابعا هذه تذكرة طائرة إلى دمشق ذهابا وإيابا. Donc il dit, c'est un billet d'avion pour Damas, aller et retour. Tafkira, c'est billet. Et Zahab, c'est aller. Et Yeb, c'est le retour. C'est le contraire. Mafoum ? Tayeb. La cause de Kelimat Jadida. Ajnabiyoun. Ajnabiyoun, c'est à l'étranger. Tayeb, à l'étranger. Quand on dit à l'étranger, c'est qu'en fait, c'est pas l'étranger par rapport à. Forcément le. Le pays, c'est une personne qui est étrangère à ta famille, par exemple. Par exemple, toi, Mayajouz, Antanzura, il est le Moran Ajnabiya. Tu n'as pas le droit de regarder une femme qui était étrangère. Nokd, Jam Nokoud, c'est la monnaie, l'argent. Vous voyez ? L'argent, en liquide. Yaboun, c'est le contraire de Zahab, c'est le retour. Kursun, Jam Akros. C'est un disque, à la base, c'est une chose qui est ronde comme le soleil. Et là, dans le texte, c'était quoi le but? C'était un cachet. Kilo riram. En fait, c'est kilogramme. Et des fois, tu vas trouver avec un jim. Kilo jiram. Ils vont mettre jiram. On va pas mettre un roi, ils vont mettre un jim. Zakaroun, jam, zukur. Ça, c'est les mâles. Quand on dit le mâle, le contraire de féminin. Wajaba, yadjibou. Obligatoire. Une chose obligatoire, c'est obligé. Bala, hein? Bala'a, yabla'u. Ça, c'est avaler. Vous voyez, c'est le verbe avaler. Mahfazatun, c'est un portefeuille ou une trousse. Khata'un, jam akhta'un. C'est une erreur, une faute. Azzahabu, c'est le contraire de iyeb, c'est l'aller. C'est le masdar de zahaba yadhabu. Tazkiratun, jam tazakir. C'est un billet, un ticket. Unfa, Jam Inath, c'est le contraire de Zakar. Ça, c'est féminin, en fait. Femelle, plutôt. Femelle. Bi Intizam est de façon ordonnée. Bi Intizam, ça veut dire de façon bi la servoja. Et Intizam, c'est le mot de Intavama, qui veut dire s'ordonner. Bien classé. Araja Ya'rujou, ça, c'est monter. Taïeb, c'est levé. Voilà. La faune. En tout cas, le principal du dire, c'était le. Fier Michel, celui dont le fait c'est un waouh. Alex Well? Là. Là, on a, alhamdulillah, bien ravi.